Christmas lights to guide them home. The children that you barely knew were waiting there to welcome you. The day that the Cannonberg went down. The day that the Cannonberg went down. Setting sail from Liverpool, the Formby pulled away. Her sister ship, the Cannonberg, would wait another day. To sail across the Irish Sea with the weather closing in. But the danger deep beneath the waves was far more threatening. Two ill-fated merchant ships, a storm was gathering. No final words were ever spoken, no Christmas lights to guide them home. The children that you barely knew were waiting there to welcome you. The day that the Cannonberg went down. To navigate these stormy seas and spend time with our families, we'll cling on to our rosary beads and pray that we'll return. And just like in the days before, we'll carry food and drink ashore to feed the people, rich and poor. It's our only role in this grim war. Families waited on the quay for the Formby to arrive. But soon the news would filter through and no one had survived. And though they tried so desperately to send a warning through, for Waterford the Cannonberg set sail that afternoon. And two ill-fated merchant ships were heading to their doom. No final words were ever spoken, no Christmas lights to guide them home. The children that you barely knew were waiting there to welcome you. The day that the Cannonberg went down. No final words were ever spoken, no Christmas lights to guide them home. The children that you barely knew were waiting there to welcome you. The day that the Cannonberg went down. The day that the Cannonberg, the Formby and the Cannonberg. The day that the Cannonberg went down. Hello and welcome. Bonjour à tous et toutes. Êtes-vous prêts pour partir pour un voyage musical qui va vous faire découvrir toutes les facettes de la musique folk? Eh bien, c'est ce que vous propose la Croisière Folk. Alors, on a démarré avec Siam et Dom. Et le morceau The Days the Cannonberg Went Down. Et si vous avez envie de voir cette vidéo, elle figure sur notre page Facebook La Croisière Folk. N'hésitez pas à visiter la page et à la liker également. Et sachez que la vidéo est tournée dans un bateau et elle figure sur une chaîne YouTube qui s'appelle The Narrow Boat Session. Et en fait, c'est la première chanson de ce duo et qui raconte une histoire vraie, celle de deux navires irlandais torpillés en 1917. Le deuxième navire, le Königsberg, comptait parmi ses passagers l'arrière-grand-père de Dom. N'hésitez donc pas pardon, à découvrir la page Facebook de ce duo, Sian Francis Music. Et c'est avec eux qu'on a démarré cette émission. Et on va poursuivre en changeant de rythme tout à fait avec D'Artagnan, c'est du folk rock allemand. On écoutera la jument de Michao, cet extrait de leur album de 2024, Herzblut, ce qui veut dire le sang du cœur. Il y aura Santiano avec Irish Orchid, lui cet extrait d'un album, je pense que c'est il y a 2 semaines que je vous l'ai fait découvrir, Doggerland, l'album de 2024, leur nouvel album à Santiano. Le nom du groupe est inspiré de la chanson Santiano de Hugo Frey. Et puis on part au Grand-Duché de Luxembourg avec un groupe qui s'appelle Schuppe Siwen et Danzen, cet extrait de leur album à sortir qui s'appelle Vers la liberté. Voilà, comme ça vous savez tout. J'espère que vous allez passer une excellente croisière, je ne sais pas le temps que vous avez chez vous. Alors un petit conseil, installez-vous confortablement, une bonne tasse de cacao chaud, de café, de thé. Et puis voilà, écoutez cette musique et puis profitez du voyage, 60 minutes de croisière musicale pour vous évader dans l'univers des musiques folk. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à bord. Welcome aboard, ladies and gentlemen. Allô, j'écoute. Bonjour, coach. Bonjour. Je suis sur le point de... Oui ? De pirater un film. Ah. Je vais craquer. Aidez-moi. Oui, bien sûr. Alors, surtout... Parce qu'on n'a pas besoin d'un coach pour tout dans la vie. Merci à vous qui soutenez la création en regardant légalement vos films et vos séries. Un message du CNC et de l'ARCOM. Toute la musique que j'aime, elle vient de... La croisière folk.

l'instant, le groupe luxembourgeois Schuppe Siwen avec Danzen. Et puis tout de suite, voici 1, 2, 3. 1, 2, 3. Un, deux, trois, je le rappelle pour les nouveaux auditeurs et auditrices, parce que chaque jour, à chaque émission, pas chaque jour, mais à chaque émission, eh bien, vous êtes nombreux à nous rejoindre dans cette croisière folk. Faudra d'ailleurs un jour, probablement, que j'agrandisse le cargo. Et aujourd'hui, eh bien, c'est l'album de Norman Blake, Pilgrimage to Rising Faun. C'est son dernier album. Et pour cet album, il utilise sa position unique dans la musique country pour réunir une liste impressionnante d'artistes légendaires tels que Nancy Blake, Carlene Carter, Matt Combs, Jim Johnson et bien d'autres, afin de célébrer l'histoire de la musique country et bluegrass. Cette collection de reprises de classiques réalisées en étroite collaboration avec de nombreux musiciens rend hommage au guitariste légendaire Norman Blake, dont l'œuvre est inscrite dans l'histoire de ces genres musicaux, entièrement enregistrée dans la maison de Norman et Nancy Blake à Rising Faun en Géorgie. L'album capture l'essence d'une maison de campagne du Sud et qui est imprégnée de musique. Trois morceaux, Georgia on my mind, Life's Railway to Heaven et Shady Grove. Merci d'être fidèle à la croisière folk. J'espère que l'émission vous plaît et que vous passez bien sûr un excellent voyage qui vous permet eh bien, d'oublier un petit peu tous vos soucis, si toutefois vous en avez. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. La la la la la. Georgia, Georgia, the whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as free and clear as moonlight through the pine. Other arms reach out to me, other eyes smile tenderly, still in peaceful dreams, I see the road leans back to you. Hey, Georgia, Georgia, no peace I find. just an old sweet song. It keeps Georgia on my mind. Reach out to me, other eyes, they smile tenderly, still in peaceful dreams, I see. Well, now, Georgia, Georgia, no peace I find. Just an old sweet song. Keeps Georgia on my mind. Just an old sweet song. It keeps Georgia on my mind. An engineer that's brave. We must make the run successful from the cradle to the grave, and watch the curves, the fields, the tunnels, never falter, never fail. Keep your hands upon the throttle. and your eyes upon the rail. Blessed Savior, thou wilt guide us till we reach that blissful shore, where the angels wait to join us in God's grace forevermore. You will roll up grades of trial, you will cross the bridge of strife, see that Christ is your conductor on this lightning train of life. Always mindful of obstruction, do your duty, never fail. Keep your hands upon the throttle and your eyes upon the rail. Blessed Savior, thou wilt guide us till we reach that blissful shore, where the angels wait to join us in God's grace forevermore. Spanning Jordan's swelling tide, you behold the Union Depot, into which your train will glide. There you meet the superintendent, God the Father, God the Son, with the heart joyous plodding, weary pilgrim, welcome home. Blessed Savior, thou wilt guide us till we reach that blissful shore, where the angels wait to join us in God's grace forevermore. Blessed Savior, thou wilt guide us till we reach that blissful shore, where the angels wait to join us in God's grace forevermore. On the cross. Shady Grove, my little love, Shady Grove, I say, Shady Grove, my little love, bound to go away. Cheeks as red as a blooming rose, eyes the prettiest brown, she's the darling of my heart, sweetest little girl in town. My little love, Shady Grove, I say, shady grove, my little love, I'm bound to go away. Wish I had a big fine horse of corn to feed him on, and shady grove to stay at home and feed him while I'm gone. Shady grove, my little love, shady grove, I say, shady grove, my little love, I'm bound to go away. Shady grove, my little love, shady grove, I say, shady grove, my little love, I'm bound to go away. Went to see my shady grove, standing in the door, her shoes and stockings in her hand, and her little bare feet on the floor. Well, shady grove, my little love, shady grove, I say, shady grove, my little love, I'm bound to go away. Shady grove, I say, shady grove, my little love, I'm bound to go away. When I was a little boy, I wanted a Barlow knife. Well, now I want little shady grove to say she'll be my wife. Shady grove, my little love, shady grove, I say, shady grove, my little love, I'm bound to go away. Aujourd'hui dans 1, 2, 3, eh bien c'est l'album Pilgrimage to Rising Faun de Norman Blake qu'on a écouté avec trois morceaux, Georgia on my mind, Life's Railway to Heaven et Shady Grove. Le petit poème du jour. Alors, vous le savez que cette année, on célèbre le 125e anniversaire de la naissance de Maurice Carême, poète belge, qui est né rue des Fontaines, dans la ville de Wavre. Wavre, c'est juste à côté de Walibi. Tiens, vous savez, peut-être, si vous êtes belge, vous le savez, mais pourquoi ça s'appelle Walibi, le parc ? Eh bien, tout simplement, c'est les deux premières lettres des trois villes sur lesquelles est situé le parc. Wa, donc de Wavre, Li de Limal et Bi, donc Bi de Bierge. Et pour la petite histoire, sachez que Maurice Carême est né rue des Fontaines et si je dois me rendre chez lui, enfin du moins si je dois aller visiter sa maison, ça se situe à 7 minutes de chez moi. Et le poème, c'est le poème « Venez ». Qui est un texte simple et touchant qui invite à la rêverie, à l'évasion. Il évoque un appel à se laisser emporter dans un monde imaginaire et poétique, loin des tracas du quotidien. Le ton du poème est doux et apaisant, typique d'ailleurs du style de Maurice Carême, qui aime jouer avec les mots pour créer une ambiance légère et enfantine. Vous pourrez lire ce poème dans le recueil La Maison Blanche, publié en 1946. C'est un des recueils les plus connus de Maurice Carême. Dans celui-ci, il explore des thèmes tels que l'enfant, la nature et la simplicité de la vie. Et puis juste après, Mégane Lebel, passée au travers, elle se prépare hein, pour nous dévoiler donc l'arrivée, qui est son EP, qui va aborder des thèmes tels que l'apprentissage de la solitude, la réalisation de soi, ainsi que l'importance de suivre son instinct. Et ensuite, Clarisse Lavanant, La ville que j'ai tant aimée, et The Sowell Family Pickers avec Song of Hope. C'est la croisière folk que vous écoutez. N'oubliez pas d'aller frapper à la porte de vos voisins pour leur dire d'écouter aussi cette émission qui, je l'espère, vous plaît. Venez. Venez. Venez vers moi du fond des horizons et marchez en chantant vers ma blanche maison. Ne me voyez-vous pas sur tous les paysages, les mains déjà tendues, sourire à vos visages? Ne m'entendez-vous pas ouvrir toutes les portes et crier dans le vent, frère, la haine est morte? J'écoute Est-ce le bruit de vos pas assourdis qui fait trembler le sol brusquement attendri? Est-ce bien la ferveur contenue de vos voix qui répond à la mienne et que l'écho renvoie? Je vous appelle, ainsi qu'un semeur solitaire dont le semoir est lourd de graines de lumière. Venez, je vous attends au seuil de ce dimanche. La terre est déployée comme une nappe blanche. Je vous attends, debout, à l'ombre de la joie dont le buisson ardent fait rougeoyer mon toit. La croisière folk. To infinity and beyond! Elle est née d'une ferme tout en haut d'un rocher. Cette ville que j'ai tant aimée. Dû la voir à l'hiver, de l'église à l'été, les siècles s'enchaînaient aux années. Ils avaient les moissons pour vacances l'été, et les femmes saignaient sur le lin déroué. Et la pluie tombait blanche sur les toits ardoisés de la ville que j'ai tant aimée. On y venait de Nantes les dimanches d'été avant qu'elle ne soit grande. Quand notre siècle est né, chemise et robe blanche, les jardins ouvriers fleurissaient sous des ciels de pommiers. C'est la fin de l'enfance

Bienvenue dans la Minute Astuce, votre cocktail d'ingéniosité pour pimenter votre vie. Dans chaque chronique, on vous livre les secrets malins pour simplifier votre quotidien et rendre chaque journée un peu plus douce. Que ce soit en cuisine, en bricolage, en santé ou même en beauté, la Minute Astuce vous offre les clés pour dompter tous les défis du quotidien. Alors, accrochez-vous pour une minute ou deux et découvrez comment devenir le roi ou la reine de la vie pratique avec nos astuces éclairs. Prêt pour un coup de génie? C'est parti pour une minute ou deux d'astuces qui révolutionneront votre quotidien. Dans la Minute Astuce aujourd'hui, je vais vous parler de l'utilisation de la papaye contre les verrues. La papaye, vous ne le savez peut-être pas, contient de la papaïne. Ça tombe bien parce que cette enzyme aide à faire disparaître les verrues. Comment faire? Vous entaillez la surface d'une papaye pas encore mûre et vous recueillez le suc laiteux qui s'en écoule. Mélangez-le à de l'eau et appliquez-le sur les verrues matin et soir. Un remède naturel est indolore. La papaye, ça me rappelle, c'était un magasin de fruits exotiques à Bruxelles. C'était il y a déjà bien longtemps. Allez, tout de suite, voici Lady Moon avec Robin Hood, Tim Redman, The Crazy World, extrait de l'album Song from 8 to 8. Je rappelle, si vous avez peut-être envie d'écrire à l'émission, parce que imaginons que vous êtes un artiste folk et que vous souhaitez me proposer votre CD ou vos chansons, ou bien vous avez des recettes pour nous, pour cette Minute Astuce ou ce que vous voulez, vous n'hésitez surtout pas à nous écrire lacroisièrefolk@yahoo.com. My dearest friend, you are my Robin Hood. Take me away into the the ring of ivy, I will crown you king. Ah, here in the branches where the breezes play, you know the owl and his wise old ways. Guide me, my love, and help me learn that I'll listen close to you. Fear doesn't make you wise, he said. Look at the world down below. Too scared to climb the heights in their heads, we spread our wings and we go where we want. We sing what we want to sing. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Ooh. Dearest Robin, please don't leave me here. Let me go hunting with you, dear. All dressed in green, dressed in berry brown, I'll follow you along the lonely somebody. spread our wings and we go where we want to go. We sing what we want to sing. La croisière folk. It's supercalifragilisticexpialidocious. Some days you don't have time to think. Running hard against the clock. Not a moment to relax. Not a second to take stock. The crazy world has spun you round and tossed you down. There's always far too much to do. Going faster to stand still. It seems you cannot get a break. You have had more than your fill. The crazy world has wound you up and run you down. Take it from me. You have to save yourself. No one else, no one else can help you, just yourself. To stop this crazy world from killing you. Et voilà, c'est ici que se termine notre croisière folk pour aujourd'hui. J'espère que le voyage vous a plu, que vous avez rêvé, que vous avez imaginé des tas de choses en écoutant la musique. On va se quitter avec Julian Taylor, extrait de Pathway, son nouvel album. Et on écoutera la plage titulaire de cet album. Il chante avec Alison Russell. Merci de votre fidélité, merci d'avoir été là avec nous pour cette grande famille qu'est la croisière folk. Moi je vous quitte, on se retrouve la semaine prochaine et puis comme je dis toujours, que la force soit avec vous et avec tous les autres et puis passez une excellente semaine. Bye bye. I'll be back. Ouais, que c'est con, commencez juste à s'amuser. Espérons que ça sera resté, continuer, durer. and lose friends. There's so many pearls to gather. From the first thing we see to the last thing we need, it's the life in between that matters. All the warmth that you bring, darling, these things are the wings that we all chase after. And on this pathway as we get closer, I'll be there as we grow older. When you need me, here's my shoulder. Be gentle, be kind, be grateful, take time. Remember, we're in this together. Let's just be who we are, follow our hearts, and dream that love is forever. On this pathway, as we get closer, closer, as we get closer, as we get closer. Don't you know life? It's the strange. So many edges, with so many changes. And on this path, where's we get closer, I'll be there as we grow. La croisière folk. May the force be with you. Guinevere, could you find peace here in my home in the sweet southern pines?